Fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal et parler en langue française. D'abord, les grands titres. La diaspora burundaise déplore le pont de vin exigé à l'aéroport international de Bujumbura comme un des défis auxquels elle fait face. C'était lors d'une réunion tenue ce mardi. Et en province de Bubanza, on va parler de l'intolérance politique envers le parti Sawanya Frodebu, où sa permanence a été détruite la nuit de ce lundi. Le premier ministre burundais exige le retrait des stocks de maïs collectés par un AGS entassé dans des salles de classe pour ne pas perturber la rentrée scolaire. C'était ce mardi à Gitega lors de la réunion sur les préparatifs de la saison culturelle A. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi. Va parler de la lutte contre les messages de haine en milieu scolaire. Voilà pour les titres. Vestine Boutou, je suis à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Chancela Mugisha Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons le journal et par la page agriculture où la récolte du maïs acheté par la NAGES est stockée dans des salles de classe et doivent être évacuées vers les stocks appropriés pour que les élèves aient des facilités d'apprentissage. Injonction du Premier ministre burundais ce mardi à Gitega lors d'une réunion sur les préparatifs de la saison culturelle A à l'intention de tous les intervenants dans le domaine agricole avec les gouverneurs des provinces et des administrateurs communaux de tout le pays. C'est au moment où le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza avait soulevé que plusieurs quantités de maïs sont stockées dans des salles de classe. Les détails avec Gérard Nibigira. Les participants à cette réunion sont souvent revenus sur la conservation des grains de maïs que l'Agence nationale de gestion des stocks agricoles ANAGESA a acheté à travers les agriculteurs et ainsi en province de Kayanza. Il a été constaté que les stocks ont été débordés quitte à ce qu'une certaine quantité de grains de maïs sont toujours conservés dans les salles de classe comme le précise le gouverneur de cette province, colonel Rémi Chicharayo. Cette autorité administrative s'inquiète du fait que c'est bientôt la rentrée scolaire alors qu'il n'y a pas de carburant de type mazout pour permettre le transport vers ailleurs de ces grains de maïs stockés dans les salles de classe. Il propose alors que les responsables de l'éducation autorisent que les salles de classe concernées continuent à servir de stock des grains de maïs et cherchent les salles de classe ailleurs pour les élèves. Toutefois, le premier ministre Gervais Ndira Kobucha demande que toutes les salles de classe servant de stock des grains de maïs dans les provinces Kayanza et Ngozi soient libérées afin que les élèves aient des lieux décents pour leurs études. Ainsi, il invite le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage à tout faire pour avoir du carburant de type mazout permettant d'acheminer les grains de maïs stockés dans des salles de classe vers d'autres lieux. S'agissant toujours de la récolte du maïs que la NAGESA a acheté à travers la population, certains gouverneurs se réjouissent du fait que l'argent à donner à cette population est disponible, même si certaines microfinances n'ont pas d'argent liquide à donner à la population, ce qui fait que des fois la population tarde à en avoir. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Quittons la province Gitega pour nous rendre en province Bubanza où nous parlons de l'aspect politique et la permanence du parti Sawanya Frodebu. Situé sur la colline Butembe, en commune Manda de la province Bubanza a été détruite la nuit de ce lundi par des personnes non encore identifiées. Les responsables de ce parti qualifient l'acte d'intolérance politique observé à chaque fois à l'approche des élections. L'administrateur de la commune Manda tranquillise et indique que les enquêtes relatives sont en cours. Space Caritas Kabanyana. Les habitants de la colline Butembe en commune Manda se sont réveillés ce mardi matin face à une maison détruite, les murs par terre, et c'est la permanence du parti Sawanya Frodebu. Les responsables de ce parti, aussitôt alertés, déplorent les faits et précisent que cette permanence devrait être inaugurée samedi passé. Mais les autorités administratives ont demandé que toutes les activités des partis politiques soient momentanément suspendues en attendant que les activités du recensement général se terminent. C'est la deuxième permanence du parti Sawanya Frodebu vandalisée dans cette province après celle de Mitakataka où tous les écrits ont été effacés à l'aide d'un liquide noir et la maison a été récupérée par les propriétaires alors que les frais de location avaient été donnés. Le procès est en justice, selon Ferdinand Sindaigaya, représentant du parti Sawanya Frodebu, Abubanza. Amuzigati, c'est le représentant Rurahinda Gabriel Kizoramante, et dit que les autorités communales lui ont refusé à tenir une réunion le mois passé. Les responsables du parti Saronia Frodebout dans cette province déplorent la situation et dénoncent ce qu'ils appellent intolérance politique observée chaque fois que les élections approchent. Ils demandent aux autorités d'être impartiales et de résoudre ce problème. L'administrateur de la commune Manda explique qu'il n'y avait pas de permanence à Boutembe puisqu'elle n'était pas encore inaugurée. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, tranquillise cependant et précise que les enquêtes sont en cours afin d'identifier les malfaiteurs qui auraient détruit cette maison pour qu'ils soient traduits en justice. Spécialitas Kavanyana, Mwanza, Radio Isanganiro. Les familles qui ont enterré les leurs dans une partie du cimetière d'Ottawa, en commune et province de Bururi, ravagée par les feux de brousse samedi de la semaine dernière, réclament l'arrestation des auteurs de cet incendie. Félix Niongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, explique à son tour que le charbonnage est à l'origine de cet incident. Il fait savoir qu'ils sont à la recherche du présumé auteur Zenon Zambiman. La partie du cimetière d'Ottawa en commune et province de Bururi dévastée par les feux de brousse est située en bas du rond-point au carrefour des routes nationales numéro 16 Bururi-Mahoua et numéro 17 Bururi-Makamba. Dans ce cimetière, les arbres, les herbes et les croix en bois sont partis en fumée. Selon les habitants d'Ottawa, ce fait s'est déclaré le matin de samedi de la semaine écoulée suite aux travaux de charbonnage. Mobilisé par l'administration locale, ce fait a été finalement maîtrisé selon les mêmes sources, mais la moitié de son cimetière était déjà dévastée. Certaines des familles qui ont enterré les leurs dans ce cimetière demandent que le présumé auteur de cet incendie soit arrêté et puni conformément à la loi. L'administrateur de la commune de Bururi, qui a mobilisé la population pour que ce fait soit maîtrisé, confirme que ce fait était d'origine accidentelle suite aux travaux de charbonnage. Félix Niongabo fait savoir que la police est à la recherche du présumé auteur de son fait pour qu'il soit traduit en justice et puni conformément à la loi puisqu'il a directement pris le large juste au début de l'incendie. Selon les juristes, l'infraction qui a été commise est la profanation des cimetières, une infraction qui est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs burundais ou d'une de ces peines seulement conformément à l'article 238 du code pénal en vigueur au Burundi depuis le 29 décembre 2017. Depuis Taba, en commune de Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zambimana. Et la Cour des comptes devrait être dotée d'une mission juridictionnelle afin que des cadres incompétents en matière d'exécution budgétaire soient sanctionnés par cette institution. Réaction du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle, c'était après la présentation des rapports. Faisant état de réticence de certains cadres concernant la présentation des rapports sur l'exécution du budget et d'autres qui restent incompétents, Gabriel Oufti trouve que l'urgence est notamment de recruter des gens compétents pour y remédier. Suivez-le. Pour moi, d'abord, il faut changer la manière dont comment on met en place ces cadres. Un critère objectif doit être d'abord la compétence. Il faut établir des critères objectifs et évaluer cette personne avec une méthodologie que tout le monde connaît. Même aujourd'hui, si on amenait, par exemple, prenons pour le cas des sociétés publiques. Aujourd'hui, les sociétés publiques, la grande majorité de ces sociétés publiques sont en faillite. Le rapport a été dressé. Ils ne donnent pas de dividendes. Qu'est-ce qui est en train d'être mis en application pour que ces sociétés ne tombent pas en faillite? Rien. Ce sont des mots, ce sont des discours qui ne sont pas accompagnés par des actions concrètes. Donc, pour nous, la Cour des comptes, c'est une institution qui est là, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir juridictionnel, d'où il y a eu préparation d'une loi, d'un projet de loi. Depuis 2022, ce projet de loi est au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui a manqué pour que cette loi, qui donne la mission, le pouvoir de juger des gestionnaires des fonds publics, pour moi, il est plus qu'urgent que cette mission juridictionnelle soit donnée à la Cour des comptes en vue de contraindre les gestionnaires des budgets de l'État, en vue de protéger la chose publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On vient de se doter d'une vision. Le premier pilier, c'est l'engagement de l'État, qui a des objectifs. Le premier objectif, c'est l'efficacité institutionnelle. Est-ce que quand on n'aura pas des cadres compétents et des institutions éclairées et visionnaires, on ne va pas revenir par. Le deuxième objectif, c'est la transparence, la gouvernance et la redevabilité des institutions publiques. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'exigence des Podovans à l'aéroport international Melchior Ndadaye, le non-respect des contrats entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales locales sont des défis soulevés par la diaspora burundaise. C'était lors d'une réunion tenue le soir de ce mardi par la diaspora burundaise. Le conseiller technique au ministère des Relations extérieures a promis de tout faire pour éradiquer ce comportement indigne. Jean-Marie Vianney, Nguinda Koumana pour plus de détails. Lors de cette réunion tenue ce mardi soir à l'intention de la diaspora burundaise, Jean-Marie Julien Sengiyumva, un Burundais qui habite en Suisse, a indiqué que la mise en application des contrats entre cette diaspora et le gouvernement ou les ONG locaux n'est pas plus respectée par les instances habitantes. Celui-ci demande aux dirigeants de la diaspora burundaise et les différents ministères burundais de suivre de près cette situation. L'autre diaspora, habitant dans un état de Texas aux États-Unis d'Amérique, déplore le comportement de certains agents chargés de la sécurité à l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye, qui les exige de payer le pont de vin et quand ils refusent, ils subissent publiquement des humiliations. Celui-ci demande aux responsables de cet aéroport international de Bujumbura d'encadrer ses chargés de la sécurité afin qu'ils puissent travailler en respectant la loi. Asora Samuel Ndairagije, président de l'association de la diaspora burundaise, fait savoir qu'au sein de l'association, il faut chercher des avocats dont les prérogatives seront de suivre de près les doléances de leurs membres. Kanene Jean-Claude, conseiller technique au cabinet du ministre ayant les relations extérieures dans ses attributions, indique que le gouvernement burundais va faire tout possible pour faciliter le travail de ces diasporas burundais. Il exhorte en outre ces diasporas de sensibiliser d'autres Burundais vivant à l'étranger de venir investir au Burundi. Le journal est continué par la page culture. 37 ans après sa mort, l'artiste et chanteur musicien de la Jamaïque, Peter Tosh, reste vivant à travers sa musique du style reggae. Son message centré sur la justice et l'égalité a parcouru le monde entier sous la complicité de son frère Lute Bob Marley. Les détails avec Christian Savzi. Le soir du 11 septembre 1987, Peter Tosh était chez lui à Kingston en Jamaïque avec un groupe d'amis dont sa femme Marlene Brown et le batteur Carlton Santa David. Ce qui a commencé comme une soirée normale s'est bientôt transformé en une nuit de terreur lorsque trois hommes armés ont pris d'assaut la maison de Tosh, tirent et l'artiste meurt sur place. À travers sa musique rythmée au reggae, Tosh parlait de l'égalité et de la justice. Equal rights and justice. Un vrai artiste, chanteur, compositeur, Peter Tosh jouait à plusieurs instruments comme le piano, guitare et la percussion. Peter Tosh a évolué avec beaucoup d'artistes, chanteurs et musiciens, dont le grand Bob Marley, un vrai duo dans leur chanson Still Up. Avant de faire le reggae, ils ont commencé par des styles comme le ska, le soul et le rocksteady. Sa période active va de 1963 à 1987. Il est né le 19 octobre 1944 et mourra le 13 septembre 1987, alors qu'il n'avait que 42 ans. Parle, rassure-moi. La chronique par les rassure moi de son mercredi est centrée sur la lutte contre des messages de haine en milieu scolaire et en période préélectorale. Certains des élèves en vacances affirment que des enseignants et directeurs les manipulent en cette période. David Ninganza, vice-président de l'organisation Sojepaye militant pour les droits des enfants, estime qu'il devrait y avoir une loi réprimant de tels agissements dans les établissements scolaires. Les détails de cette chronique par les rassure moi avec Mireille Kanyangi. Certains des élèves en vacances témoignent avoir assisté à des cas où des enseignants et directeurs appellent des élèves à des activités politiques à l'école, en milieu scolaire, surtout à l'approche des élections, utilisant des messages de division. Il y a un électeur qui est venu me dire d'adhérer à son parti politique et on a refusé et nous a menacé que si jamais nous faisons le repêchage, que nous allons redoubler. Un directeur peut nous demander d'adhérer dans son parti politique par force. Tu peux longuement réfléchir et être réticent. Il arrive qu'on le suive parce que s'il n'est par rapport à nous ou s'il nous menace par rapport au repêchage, tu finis par céder. Sur ce, un des directeurs ne nie pas de telles réalités, mais estime qu'au début d'une année scolaire, enseignants et élèves devraient se convenir sur un comportement affiché en priorisant les cours, sinon cela influe négativement sur les résultats des élèves. De son côté, David Ninganza, vice-président de la SOGEPAE Burundi, fait savoir qu'une telle instrumentalisation a des conséquences sur les élèves. Ce sont les stéréotypes qui trompent la vigilance de l'enfant pour montrer ce groupe de gens n'est pas avec nous, dans le sens de chercher un élément qui peut facilement convaincre l'enfant pour qu'il puisse s'allier derrière lui. L'enfant est victime parce qu'il est tiraillé d'ici et là, de gauche à droite. L'enseignant a besoin de voix. Quelque part, si on n'y prend pas l'attention, l'enfant peut être déstabilisé et cela peut jouer vraiment ou avoir un impact négatif sur son avenir, sur les résultats scolaires, sur l'encadrement. Si l'élément, celui qui s'occupe de l'encadrement de ces brebis ne parle jamais de la haine, je pense que l'enseignant aussi doit faire la même chose. Il doit mettre en avant l'unité des enfants. Il doit éviter la globalisation. Il suggère la mise en place d'une loi qui sévit contre des éducateurs, auteurs de messages pointant du doigt les membres des autres groupes, sources de violence dans les communautés. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancel Amukisha Wimana pour la parfaite collaboration. Vestinez-vous tous, j'étais à la présentation. Au revoir.